La Caisse des Jardins du Domaine du Roy rend hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des événements nautiques les plus prestigieux du monde. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes, le support des nombreux commanditaires et surtout l'engouement de la population ont permis à cette organisation d'atteindre et de maintenir une notoriété aussi élevée qu'enviable, et ce, après 62 ans. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. Mon prochain invité, il est responsable d'un tournoi à bout de souffle qui a déménagé cette année. Auparavant, c'était à Robertval. Là, maintenant, cette année, c'est à Saint-Félicien. On va savoir un peu les raisons. Puis en même temps, on a appris une belle nouvelle au cours des dernières semaines. Il sera un entraîneur adjoint chez les Saguenay de Chicoutimi. On parle évidemment à Simon Gaudreau. Salut Simon! Salut Daniel, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Simon, avant de parler des Saguenay, on va parler du tournoi. Première question, vous avez déménagé à Saint-Félicien. Est-ce que c'est un lien, évidemment, avec l'aréna qui n'est pas conforme parce qu'on a perdu l'aréna, l'école de hockey, il y a négligent. Est-ce que ça a un lien ou c'est pas du tout? Ben, je sais pas si vous avez vu passer l'an dernier, là, il y avait quand même des gros projets de rénovation à l'aréna de Robertval, là, avec quand même un bon investissement pour l'extérieur, puis faire les estrades, puis tout ça. Donc, aussitôt que ce projet-là s'est mis en branle, là, l'école de hockey, Yannick Jean, eux, fallait qu'ils se trouvent une place, justement, pour déménager l'école de hockey. Puis, finalement, ben, ils ont une entente avec l'aréna de Saint-Félicien. Okay. Donc, c'est sûr et certain que le tournoi, l'aréna de Robertval ou la ville de Robertval ouvrira pas pour une fin de semaine là, dans le mois de juillet avant que les activités se déroulent. Fait qu'étant donné que l'école de hockey Nick Jean avait déménagé à Saint-Félicien, une fois que la corporation puis la ville de Saint-Félicien ont fait l'approche avec Yannick, ben ils nous ont approché pour avoir le tournoi également. Donc, on s'est mis en discussion avec eux puis on a eu vraiment un bon contact avec la corporation puis ils nous ont aidés. Donc, c'est pour ça un petit peu que le tournoi est rendu à Saint-Félicien là, pour cette année. OK, donc, OK, tu viens de me devancer ma prochaine question. C'était-tu pour seulement cette année ou c'est pour l'an prochain? Ben là, c'est à suivre. Là. Je ne sais pas non plus les détails là, les détails de l'entente là, avec mettons, l'école de hockey ou avec la ville de Robertval. Donc, je sais que les compresseurs, tout ça, il y a des choses à rénover aussi là, à l'aréna de Robertval. Donc, j'ai aucune idée là, pour l'an 2, là, mais c'est sûr que pour cette année, là, c'est à Saint-Félicien, puis on va évaluer, on va regarder ça après le tournoi là, sur le bilan. OK. Est-ce que ça t'as peur que ça te nuise ou ça peut même augmenter? Parce que la traversée internationale du lac Saint-Jean, par les années passées, je te posais trop la question, pourquoi vous faites ça en même temps que la traversée? Il me semble que c'est deux belles activités qui pourraient suivre. Puis tu disais non, au contraire, ça nous amène du monde. Là, maintenant, c'est à Saint-Félicien. Est-ce que tu penses que ça va changer du côté de l'assistance ou ça va augmenter ou pas du tout? C'est dur à dire. Moi, je pense que les vrais fans de hockey, les gens qui descendaient du Saguenay pour venir voir le hockey puis venaient à la traversée vont quand même faire un 20 minutes d'auto de plus pour venir à l'aréna de Saint-Félicien. Les déplacements, je pense qu'ils font quand même assez bien entre Saint-Félicien et Robertval. On parle d'un 15-20 minutes, là. Fait que je pense que ça devrait bien se faire. C'est sûr que est-ce que ça va nuire? Est-ce que c'est sûr qu'on n'est pas dans la ville même, là? T'sais, dans la ville même, c'est sûr que moi, je trouvais que c'était bien. Mais on n'est pas si loin que ça non plus. Donc, on va regarder ce qu'il y en a. Puis, on regardera pour l'année prochaine. Mais bon, je pense pas qu'il y ait un gros impact là, rendu là. OK, j'ai regardé dans le quotidien encore une belle brochette de joueurs. Oui, c'est le fun. On a réussi. Ben, c'est sûr que quand David peut se déplacer, on est très contents. Mais c'est le fun d'avoir une nouvelle équipe avec du 109. Là, Laurent Dauphin qui s'ajoute avec Alexandre Anger. Christophe Lalancette qui est natif de Saint-Pierre, ouais. Et puis Félix Girard qui était capitaine à Bécomo. Je pense qu'ils ont vraiment une belle équipe. Là. Ça va être un beau quatuor. Donc, en espérant qu'ils vont aimer leur tournoi et qu'ils vont venir l'année prochaine. Parce que on est seulement 6 équipes dans le professionnel cette année, mais en vrai, on a une 7e équipe qu'on a dû refuser. Puis c'est dû à ce qu'il nous manquait une équipe vraiment là, dans la classe pro. Puis c'est tout simplement l'équipe à Samuel Girard qui est présentement avec Team Canada des moins de 20 ans, donc son équipe en moins, c'était plus dur d'aller chercher une 8e équipe rendue là, mais on est bien confiants pour l'an prochain. L'année passée, tu avais eu Jean-Gabriel Pageau. Tu avais même fait beaucoup de publicité là-dessus. Jean-Gabriel, comme David Dernay, il n'est pas là cette année. Y a-t-il une raison ou il n'a pas été capable? Ou... Ben, Jean-Gabriel a quand même eu un été très, très chargé. Là. Lui, il joue... il était à Ottawa, il vient d'Ottawa, il y a eu beaucoup de demandes d'école de hockey, et il était très, très sollicité. Et puis, je pense que c'était vraiment sa dernière fin de semaine avant de reprendre, il s'entraîne, là, mais avant de vraiment s'entraîner, je pense, au complexe à Ottawa. Donc, je pense qu'il descendre à Saint-Félicien pour le tournoi à la fin de semaine. Je pense qu'il est même resté dans son patrie et en profiter avec la saison quand même. OK. À ta connaissance, parce que c'est un petit réseau, ça, là, y a-tu pas mal de tournois à bout de souffle comme ça? Y en a-tu pas mal là, au Québec? Il y en a certains. Il y a un de nos anciens joueurs avec les élites, Anthony Boucher, qui en a fait un en fin de semaine passée, mais c'était sur une forme qui était différente. Là. C'était du 3 contre 3 aussi. Okay. Il était 6 joueurs au lieu d'être 4 là, en tant que tel. Là. Fait qu'il y avait vraiment deux lignes d'attaque. Fait que ça change un petit peu la dynamique avec des règlements différents, mais c'était sur une journée. Fait que les équipes pouvaient jouer 5 matchs là, dans la même journée. Je sais qu'il y avait sur la même formule, il y en a un dans Beauce. Celui de Magog, je ne sais pas s'il se tient encore, je crois que oui, mais il y en a quelques-uns. En même temps que notre tournoi, il y a un 4 contre 4 dans le coin de Rivière-du-Loup. Okay. Le gardien Olivier Tremblay il est là pour la fin de semaine. Fait que c'est ça. Il y a une couple de tournois, là, 3 contre 3, 4 contre 4, là, que j'ai connaissance, qu'il y a un petit peu partout au Québec. Donc, ça commence vendredi, c'est ça, que c'est un peu la même formule comme avant. David Dernay va jouer à quelle heure? Parce que c'est votre attraction, là, quand on peut l'histoire. Ouais, c'est toujours des blocs de deux matchs pro, là, consécutifs. Donc, à 19h, là, ça va être l'équipe de Laurent Dauphin qui va être en action. Et tout de suite après, là, ça va être l'équipe de David Dernay, Francis Véropol, Dimitri Zoukinov, Yannick Jean, Simon Boudreau-Belleville contre mon équipe, là, moi, Christian Ouellet, Raphaël Harvey-Pinard, Christophe Gay, et puis un gardien qui reste à déterminer. OK. Dis-moi, on va parler maintenant de la nouvelle qui est tombée il y a quelques semaines. T'es devenu adjoint Yannick Jean. C'est une belle nouvelle et une belle progression. Oui, je suis bien content. Je suis très fier de ça. J'étais très, très, très, très content que le téléphone sonne, puis je saisis l'opportunité. OK. Est-ce que ça va être quoi ton rôle avec les Sags? J'ai discuté un petit peu avec Yannick, là, quand on s'est rencontrés. Mais mon rôle avec les Sags, là, je vais être deuxième adjoint. Je vais m'occuper des attaquants pendant le match, là, vraiment sur au niveau des rétroactions avec eux. Je vais avoir certains rôles offensifs, là, vraiment là, en mode pratique. Okay. Puis on va développer là, vraiment un côté là, technique là, pour les jeunes joueurs. On va avoir quand même beaucoup de jeunes joueurs qui viennent d'être repêchés. Donc il y a des jeunes qui... On va lui monter un programme là, de travail individuel. Fait que je vais être en charge un petit peu de ce côté-là là, avec les attaquants. OK. Si on y allait maintenant avec ta carrière, est-ce que tu as un plan de carrière pour vraiment être entraîneur ou tu vas y aller année après année? Parce que ça, c'est une belle progression. Ça commence comme entraîneur adjoint. Après ça, on ne sait pas. Là. Ben c'est sûr que ça a été dur de prendre sa retraite en tant qu'hockeyeur. Je joue encore. Donc, je me suis toujours accroché avec le coaching par après, mais tu sais, c'est venu comme ça, hein, tu sais, j'ai fait mon bac en enseignement, puis comme job étudiant, ça a été ça, le coaching, fait que j'ai commencé, puis j'ai fait mon POI, mon bantam, puis mon midget 3A, puis dans tout ça, ça a pris 6 ans avec que j'aille au junior majeur, fait que tout a tombé comme ça, mais j'avais vraiment pas, quand j'ai commencé ça, je m'étais jamais dit, hop, j'ai comme objectif de coacher ça, tu sais, c'est des affaires que je m'attendais pas vraiment. J'ai fait le boulot, j'ai monté les échelons étape par étape. Puis c'est peut-être allé vite, mais en tout cas, j'ai touché à toutes les catégories, puis j'ai grimpé avec ma gang de joueurs. Fait que j'ai pas d'objectif précis. Je vais vraiment année par année. Ça va être une super belle expérience personnelle puis professionnelle également. Puis non, je vais là-dedans, puis okay. ça va être pris pour bout. On a vraiment un beau staff avec Yannick, tout le monde avec qui qu'on a déjà travaillé là, avec Pierre Jouin, Sébastien Dion. Fait que tu sais, on est 4 gars de la région, puis l'équipe d'une région aussi. Donc on a bien hâte de commencer. On va en parler d'une équipe d'une région. Je pense que tu viens du Haut-du-Lac, je m'abuse, hein? Je viens de Saint-Félicien. Ouais, tu viens de Saint-Félicien, OK. C'est parce que c'est une belle nouvelle qui est tombée que les Saguenayens vont jouer à Robertval contre Samuel Girard. Pour Robertval, ça va être le fun. Pour les Sags, quelque part, c'est du marketing aussi, parce que le Haut-du-Lac, je l'ai souvent dit, Dolbeau, Saint-Félicien, Robertval, On a négligé ça du côté des Saguenay au cours des dernières années. Donc, le fait qu'on s'en vienne ici, là, jouer un match contre Samuel, ça va être le fun pour les gens, des pas juste pour les gens d'Aubervilliers, mais pour les Saguenay aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, les mots qui ont été sortis dans les médias, parce que j'ai appris la nouvelle un petit peu comme vous, là, avec le quotidien. J'étais pas au courant. Puis, tu sais, ce qui a été dit, là, par rapport au sentiment d'appartenance, puis, tu sais, c'est l'équipe d'une région, puis que c'est important, c'est les partisans, oui, viennent au Saint-Georges-Vézina, mais quand on peut, que les Saguenay peuvent se déplacer, puis aller justement voir les gens du lac, ben, je pense qu'ils l'ont fait. Puis, c'est une belle preuve. Puis, depuis qu'Yannick est en place là, avec les Saguenayens, c'est vraiment d'ordonner aux joueurs que les joueurs passent un beau séjour avec les Saguenayens, puis qu'ils aillent la place à cœur, puis qu'ils soient vraiment des bleus jusqu'à la fin de leur carrière. Puis c'est vraiment ça, c'est un sentiment d'appartenance qu'il essaie de créer depuis qu'il est en place. Puis c'est encore une pièce de puzzle qui ajoute en allant justement jouer à Roberval là, pendant le calendrier préparatoire. Oui. Ben, Simon Gaudreau, un gros merci. On va peut-être savoir en fin de semaine. Moi, je vais aller à traverser comme d'habitude. Puis on va essayer de parler avec David Dernay. Parfait, il n'y a pas de problème. T'es bienvenu. Simon Gaudreau, des Saguenay-Chicoutimi, organisateur du tournoi à bout de souffle.